Le dernier amour par Jenny Bastide. Introduction. Au mois d'octobre de l'automne dernier, je partis pour l'Italie avec une femme de mes amies assez sérieusement malade. On lui avait ordonné depuis longtemps de passer les hivers sous un climat doux et bienfaisant. Mais peut-être avait-elle trop tardé de suivre ce salutaire conseil, car elle était presque en danger quand enfin elle se détermina à se rendre à Pise, où elle avait déjà une partie de sa famille. Je crois cependant que si je ne lui eusse proposé de faire le voyage avec elle et de la conduire jusqu'au lieu de sa destination, elle ne se serait point encore décidée. Je ne songeais pas, il est vrai, sans quelque appréhension, que ne pouvant rester que 2 mois en Italie, il me faudrait revenir seul et traverser les Alpes quand la saison serait plus avancée, et la route, si ce n'est dangereuse, au moins assez pénible. Mais quel mérite aurait un service si on ne trouvait que du plaisir en le rendant? Nous prîmes toutes les précautions nécessaires pour que notre voyage nous présentât le moins de fatigue possible. Cependant, nous avions à peine dépassé le pont de Beauvoisin pour entrer en Savoie, que je commençais à craindre que mon ami n'eût entrepris son voyage trop tard. Arrivés au-delà des échelles, nous fûmes forcés de nous arrêter dans un village qui ne présentait aucune ressource, et je ne trouvai dans une auberge délabrée, la seule qui existât dans cet endroit, qu'un mauvais lit et des aliments que n'aurait pu supporter ma pauvre malade. Vaincus par mes instances, les gens de l'auberge se décidèrent à aller jusqu'à la Maison Blanche, le seul endroit, disaient-ils, où il y eut du lait. On en rapporta en effet, et le jeune messager ajouta que la bonne dame avait bien demandé si nous avions trouvé tout ce qui nous était nécessaire. « Je l'ai rassuré, » continua l'enfant avec confiance, « notre maison est assez bien pourvue, Dieu merci. » Je ne pus m'empêcher de sourire de cet orgueil si justement placé, qui n'empêchait pas que, sans le lait de la bonne dame, mon ami n'eût rien à prendre de salutaire. Je demandai où était la Maison Blanche, et l'enfant, me conduisant quelques pas sur la route, me montra une petite maison placée au fond de la vallée. Un torrent écumeux roule avec fracas à ses pieds, passe entre les bois et les ravins, s'enfonce en grondant entre les montagnes, et forme enfin cette cascade qu'on admire avant d'entrer à Chambéry. Un pont grossier était jeté sur le torrent, dans l'éloignement et placé ainsi au-dessus d'un abîme, il effraie par sa hardiesse. Cependant, l'œil s'y accoutume peu à peu, et bientôt l'on éprouve plus que de l'admiration pour ces sites agrestes et sauvages. Ce qui donne à ce paysage quelque chose de plus pittoresque encore est la vue d'un vieux château qui, par sa position, domine toute la vallée. Ses hautes tourelles se dessinent au milieu de cette contrée sévère et semblent supporter les nuages qui, dans un temps bas et pluvieux, descendent sur la montagne. Ces murailles noircies par le temps sont en harmonie avec les sapins d'un vert sombre qui l'entourent, et cet aspect mélancolique et sauvage est empreint d'une majestueuse tristesse. Non loin de là, au milieu d'un massif de chênes verts et de mélèzes, s'élève une colonne d'une éclatante blancheur. Je la désignai du doigt à mon jeune conducteur. « C'est le tombeau de la comtesse, » me répondit-il. « Il n'est achevé que d'hier. »« Il n'y a donc pas longtemps qu'elle n'est plus, » dis-je alors. « Seulement 1 an, et les malheureux et nous tous » la pleureront toujours, quoiqu'il nous reste la bonne dame, mais elle est bien âgée et ne peut tout à fait la remplacer. Si vous voulez, continua-t-il, je vous mènerai voir le beau monument et le château. Je remis au lendemain à profiter de la bonne volonté de mon petit cicérone et me disposai à rentrer. Mais avant, je donnai un dernier coup d'œil au paysage qui m'environnait. Les nuages étaient sombres et leurs couleurs se mariaient au bois d'alentour. Au milieu d'eux apparaissait encore cette masse énorme de murailles, dont l'imposante magnificence assombrissait l'âme. Les regards se détournaient de cette grandeur pleine de mélancolie pour se reporter avec plus de confiance sur la petite Maison Blanche. Elle était bien éclairée, et à travers une des fenêtres, on distinguait un foyer brillant qui égayait jusqu'à la pensée. Je rentrai dans notre triste auberge. La nuit de ma pauvre malade fut mauvaise. Elle ne s'endormit qu'au jour. Sûr alors qu'elle reposait, je sentis le besoin de me ranimer par le grand air, et me faisant accompagner par mon jeune guide de la veille, je franchis le pont du torrent et me trouvai bientôt dans les grands bois qui environnaient le château. La grille du parc était ouverte, mais ses allées solitaires étaient obstruées par des herbes parasites et des ronces envahissantes. Les portes et les fenêtres du château étaient hermétiquement fermées. Qu'il y avait de tristesse et d'abandon dans cette solitude! Un seul chemin se trouvait frayé. Il conduisait au monument élevé à la comtesse entre le torrent et le château. On entendait de cette triste enceinte le bruit monotone de l'eau tombant sans s'arrêter jamais sur des pierres couvertes de mousse. Tout était sauvage dans ce lieu consacré à la mort. Tout y était en harmonie avec sa destination, et le vent des montagnes faisait incliner la cime des arbres sur une tombe qui semblait étonner ce lieu solitaire par sa magnificence. « Hélas, me dis-je, celle qui repose ici en stratait moins oubliée, et ses lettres d'or, sur ce marbre rare et précieux, graveront-elles davantage son souvenir dans le cœur de ceux qui l'aimaient ? Sans doute là en trouve le repos, mais là aussi elle oublie. Quelle décourageante conviction !» Occupé de ces pensées, je lisais machinalement ces mots. Amélie, comtesse de Tourville, morte dans sa 36e année, bonne, généreuse, etc. Suivait l'énumération des vertus de la comtesse. Peut-être eus-je tort, mais je ne pus m'empêcher de penser que, pour n'en être pas moins vrai, des vertus obscures n'eussent pas trouvé un si long panégyrique. Je détournai mes regards du tombeau au bruit des feuilles sèches que l'on froissait en marchant, et m'inclinai avec respect devant une dame âgée qui arrivait au monument et se trouvait déjà en face de moi. Sa physionomie était imposante sans être sévère, et son regard avait tant de douceur que l'on se sentait entraîné vers elle par un attrait tout à fait irrésistible. « Pardon, madame, dis-je avec un peu d'embarras, j'ai peut-être commis une indiscrétion et... »« Nullement, interrompit-elle, c'est vous sans doute que le petit Pierre a conduit ici, et dont l'ami est malade à l'auberge. Je viens de vous y chercher, pour vous enlever d'un endroit où vous manquez de tout ce qui peut contribuer au rétablissement de sa santé. Je voulais refuser, m'excuser. « C'est une chose arrêtée, » me dit-elle en souriant, et avec une douce autorité. « À mon âge, on va être obéi. Votre ami repose. Pendant ce temps, je puis vous montrer non un château, des salons, des galeries, et partout cela se ressemble, mais un beau point de vue intéresse toujours. Venez. » Avant de s'éloigner, elle jeta un regard mélancolique sur le tombeau. Alors je remarquai ses vêtements noirs. « C'était une parente, » lui dis-je timidement. « Non, » reprit la vieille dame en s'arrêtant sur le bord du torrent où nous venions d'arriver. « Mais je l'avais connue bien jeune, et malgré la différence de nos âges, elle m'aimait, et je l'ai vue mourir. « Pauvre Amélie, » ajouta-t-elle avec un profond soupir, « que de peine ont marqué ta vie si vite écoulée. « Regardez cette fenêtre. » Et me désignant un grand balcon qui donnait sur le torrent. « C'est près de ses vitraux, » dit-elle, « qu'elle a rendu, à celui qui l'avait formé, une âme noble et généreuse que trop de passions agitèrent. » Nous sortîmes de l'enceinte du château. Peu de temps après, nous fûmes établis, mon ami et moi, à la Maison Blanche. Jamais on n'exerça l'hospitalité avec plus de grâce et de bonté. J'oubliais de m'excuser de ce que les circonstances nous forçaient d'en profiter longtemps. Faisait de longues promenades avec notre aimable hôtesse, pendant lesquelles elle m'arrêtait souvent pour me montrer les sites que préférait Madame de Tourville. Plus d'une fois, me disait-elle, en me montrant un abîme placé à nos pieds, plus d'une fois je l'ai vue s'arrêter, pâle et mélancolique, sur ces bords qu'elle considérait sans effroi. « Il est donc vrai, dis-je tristement à mon tour, ni le rang, ni la richesse ne préservent du malheur, car cette mélancolie était sans doute la suite des passions qui perdent les femmes. » interrompit l'ami de la comtesse. Amélie avait tout pour être heureuse, mais elle gâta sa vie en se livrant à un sentiment qu'elle eût dû repousser. Cependant, qui oserait la blâmer? Quel est le cœur qui peut dire « je m'arrêterai là » Là, je marquerai les limites d'un sentiment dévastateur qui fait tant de victimes. Elle se tut alors, et je n'osais troubler sa triste rêverie. Mais peu à peu, j'obtins plus de confiance et connus toute l'histoire de la comtesse. Pourtant, je dus partir. Mais je me promis bien de m'arrêter à mon passage. En effet, 2 mois après, je revins à la Maison Blanche. Mon aimable hôtesse me reçut encore mieux que la première fois. Cependant, il fallut bientôt de nouveau m'en séparer, et je sentis combien la bonté et la grâce forment vite des liens qui coûtent à rompre. « Je reviendrai aussitôt que je le pourrai, et exprès pour vous voir, » lui dis-je en lui pressant les mains. « J'ai 70 ans, » me répondit-elle. « À cet âge, on a guère d'avenir. » Mais emportez ce souvenir d'Amélie et de moi. Voilà les pages où elle traça presque chaque jour ses peines secrètes et ses passagers plaisirs. Avec ce que je vous en ai appris, vous la connaîtrez tout entière. Je sais que vous aimez à écrire, et si vous trouvez cette triste histoire digne d'être racontée, changez seulement les noms et publiez-la. Si elle peut sauver une seule femme, l'arrêter au moment du danger, j'aurai fait une bonne action en vous permettant de la faire connaître. Elle mettra d'ailleurs en évidence une vérité qui n'est point assez sentie. C'est que l'amour, Cette passion qui domine la destinée de notre sexe n'est pas seulement dangereuse aux jours riants de la jeunesse. La puissance de ce sentiment tant vanté à cette époque n'est rien auprès de la profondeur et de l'empire qu'il prend sur nous dans l'été de la vie. C'est alors qu'il brûle, qu'il dévore. Il semble que, jaloux de l'empire qu'il va perdre, il veuille marquer son passage avec une effrayante énergie. Enfin, si plus d'une femme regretta toujours la première illusion de sa vie, un imprudent et dernier amour conduisit au tombeau ma pauvre Amélie.